na patiente so qui est ko changé na kanga monte ma so qui a ko changé c'est là ya qui singa na kokate sauter.